إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله إن دين الله قويم لا يزيغ عنه إلا هالك وقد شرع لنا الشرائع وكمل لنا الدين فمن عمل عملا يشاقق الله ورسوله فيه عالما عامدا غير مكره ولا متأول فإنه يخرج من الدين لمخالفته شرع الله سبحانه وتعالى يقول تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقد ذكر العلماء رحمهم الله في كتب الفقه بابا سموه باب حكم المرتد لأن المسلم قد يرتد عن دينه بأنواع كثيرة من النواقد التي تحل دمه وماله ويكون بها خارجا من الإسلام ومن أخطرها وأكثرها وقوعا 10 نواقد ذكرها الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وذكره كذلك غيره من العلماء وسنمر سريعا في هذه الخطبة على هذه النواقد نواقد الإسلام 10 التي ذكرها الشيخ مع شيء من البيان ليحذرها المسلم الناقد الأول من نواقد الإسلام 10 الشرك بالله في عبادة الله الشرك في عبادة الله تعالى يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم أو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى الناقد الثاني من نواقد الإسلام من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا كالذين يجعلون الصالحين والأولياء وسائط بينهم وبين الله كأصحاب القبور كالبدوي والحسين وغيرهم من الذين ممن يتخذونهم وسائط بينهم وبين الله والناقد الثالث من نواقد الإسلام من لم يكفر المشركين يعني اليهود والنصارى والشيوعيين والعلمانيين وغيرهم من لم يكفر هؤلاء من المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم مثلا الذي يقول أن النصارى مؤمنون واليهود مؤمنون وأن دينهم صحيح يعني يصحح مذهبهم فقد كفر والناقد الرابع من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم القوانين على حكمه فهو كافر بالله. ويدخل في هذا من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام، أو أنها مساوية لها، أو أنه يجوز التحاكم إليها، ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل، يعني يعتقد أنه يجوز، يقول يجوز أن نتحاكم بغير شرع الله، فاعتقاد ذلك معناه أنه يستحل الحرام، أنه يستحل الحرام، واستحلال الحرام كفر إذا وقع عن علم. فالذي يعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل ولكن يجيز التحكم إلى غير الشريعة، أو يقول أن النظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في هذه الأزمان وأنه كان سبباً في تخلف المسلمين، أو أنه يحصر في علاقة المرء مع ربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى كما تقول العلمانية، أو أنه يدخل كذلك من يدخل مثلا يفضل حكم البادية أو أعراف القبائل والعادات الجاهلية يراها أفضل من حكم الله وشرعه، أو أنه لا يرضى مثلا بحكم الله ويفضل العادات والتقاليد على شرع الله، كل هذا يدخل في هذا الناقد. ويدخل في ذلك أيضا إنفاذ حكم من يرى أن إنفاذ حكم الله لا يناسب هذا العصر. ويدخل في ذلك أيضا من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات وفي الحدود وفي الاقتصاد وفي غيرها من الأمور، وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة، لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرم الله إجماعا، وكل من استباح أو استحل ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير ما أنزل الله، فهذا إنسان كافر بإجماع المسلمين إذا وقع هذا عن علم وفعل ذلك وهو يعرف. والناقد الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يعني كره أو أبغض شيئا مما جاء به الله سبحانه وتعالى في القرآن، أو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة ولو عمل به فإنه كافر بالله، لقوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. عباد الله، من نواقض الإسلام كذلك الاستهزاء بالدين أو بشيء من الدين أو بشيء من ما يتعلق بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو مما يتعلق بثواب الأعمال أو عقاب بعد الذنوب، من يسخر من ذلك ويستهزئ بذلك فقد كفر. والدليل قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، كمن يستهزئ بالله أو برسوله أو بالإسلام أو يستهزئ بالحجاب أو يستهزئ باللحية أو يستهزئ بتقصير الثوب أو بأمور أخرى من الأمور التي تتعلق يعني بالدين. يقول الله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهذا خطير جدا خصوصا في هذا الزمان. والناقد السابع السحر، ومنه الصرف العطف، فمن فعله ورضي به كفره. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. والذهاب للسحرة وطلب الشفاء منهم يعد رضا وإقرار لفعلهم، فيدخل في ذلك، يدخل في الكفر. والناقد الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، يعني لأنك رضيت، إذا رضيت بدينهم وبعقيدتهم وأردت أن تستنصر لهم ضد المسلمين من أجل كفرهم ومن أجل شركهم، فمعنى ذلك يعني أنك تواليهم في الإيمان وفي الكفر. فهذا من نواقض الإسلام. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن النواقد الناقد التاسع من اعتقد أن بعض الناس يجوز لهم الخروج عن الشريعة، فمن قال ذلك أو اعتقد ذلك فقد كفر. يقول تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذه يقع في كثير من المتصوفة الذين يزعمون أن مشايخهم تسقط عنهم التكاليف فلا تلزمهم الصلاة ولا الصوم ولا الحج. والناقد العاشر الإعراض عن دين الله تماما، لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يبالي به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. كمن لا يتعلم التوحيد ولا صفة الصلاة ولا الوضوء ولا أركان الدين ولا يبالي بالدين إطلاقا، فهذا يعني ناقد من نواقد الإسلام. ولا فرق في ذلك في جميع هذه النواقد بين الهازل والجاد والخائف، إلا الذي وقع في الإكراه. إذا وقع منه بسبب الإكراه فهذا لا يكفر، ولكن من وقع في ناقد من نواقد الإسلام فيقول مثلا: أنا أمزح، أو يضحك، يقول أن هذه يعني يريد أن يعني يلعب فقط، فهذا يعني كفر ويخرج من الملة. إلا من أكره، يعني قال يعني أتوا إليه بسكين أو مسدس، قالوا: إذا لم تكفر نقتلك، هذا يجوز له أن يقول كلمة الكفر لأنه في إكراه. أما في غير هذه الحالة، في غير حالة الإكراه، إذا وقع في هذه النواقض فهذا يخرج من الدين. فماذا يجب على الإنسان إذا وقع في ناقد من نواقض الإسلام؟ فيجب عليه التوبة مباشرة والعودة إلى الإيمان، وأن يعود مباشرة إلى الإسلام ويرد هذا الشيء الذي وقع فيه من الناقد أو من الكفر، يعني يعيد إيمانه من جديد ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Serviteurs d'Allah, préservez-vous d'Allah. Préparez-vous à la rencontre avec votre Seigneur au jour de la résurrection. Car chacun d'entre nous aura des comptes à rendre et à répondre pour sa croyance, pour ses actions, pour ses paroles. Préparez-vous à cette rencontre au jour de la résurrection, car c'est le but de notre création sur terre. Et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait la grâce de vous avoir guidé à l'islam. Il n'y a pas une grâce qui existe plus grande que la grâce de la foi, de la guidance et d'être sur le droit chemin. Mais sachez, mes chers frères Allah, mes serviteurs et serviteurs d'Allah, sachez que cette foi en l'islam et cette religion, c'est pas quelque chose qui fait partie de notre code génétique. C'est pas parce qu'on est né dans une famille musulmane qu'on est nécessairement bien guidé. Et ça ne veut pas dire que parce qu'on est né non plus dans une famille musulmane que ça veut dire qu'on va être mort sur l'islam. Parce que de la même manière que quelqu'un peut rentrer dans la foi, il peut également en sortir. Et il y a des choses qui peuvent justement faire sortir de la foi. Et parmi ces choses, il y a des actions, il y a des paroles et il y a des croyances. Certaines croyances peuvent nous faire sortir de la foi. Certaines paroles peuvent nous faire sortir de la foi. Et certaines actions peuvent nous faire sortir de la foi. Et il est extrêmement important pour nous les musulmans de connaître les principes et les fondements de notre religion pour comprendre justement ce qui peut nous faire sortir de la foi pour justement s'en préserver et pour éviter justement de tomber dans ce qui peut nous faire sortir de la foi. Et Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, il dit « كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ذلك » C'est-à-dire Hudhayfa, il était particulier parmi les sahaba. Il n'était pas comme les autres. Il dit, les autres sahaba, ils demandaient au messager d'Allah toujours à propos des choses de bien et les bonnes choses qui vont arriver. Il dit, par contre, moi, je demandais toujours au messager d'Allah à propos du mal, par crainte que ce mal m'arrive. Donc, lui, il demandait toujours au messager d'Allah de se préserver du mal. Il demandait le mal pour se préserver de ce mal. Et donc, de connaître les choses qui peuvent annuler notre islam, ça fait partie de connaître les choses qui font partie du mal dans le but de s'en préserver. Et les ulama, ils ont écrit dans les livres de fiqh un chapitre sur les choses qui peuvent faire tomber quelqu'un dans l'apostasie, ar-ridda, c'est-à-dire le fait de quitter la foi, sortir de l'islam. Et ils en ont classifié plusieurs. Et parmi ces différentes catégories, ils en ont spécifié 10 en particulier, qui sont les plus courantes qu'on retrouve parfois chez les musulmans. Et donc, on va les énumérer rapidement dans le but d'avoir une compréhension rapide de qu'est-ce que ces annulatifs de l'islam peuvent être. Le premier parmi les annulatifs, c'est « ash-shirk », c'est-à-dire d'offrir à une chose ou à une personne quelconque en dehors d'Allah, une forme d'adoration, d'adorer quelque chose autre que Allah, d'offrir à quelque chose ou à quelqu'un autre que Allah une forme quelconque d'adoration, ça rentre dans le shirk. Et c'est le plus grave de tous les péchés. Et celui qui commet le shirk et qu'il meurt sur le shirk sans se repentir avant de mourir, eh bien, il est garanti à l'enfer. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, ce qui signifie, certes, Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché moindre à qui il veut. Parmi les nawaqid, le fait de prendre des intermédiaires et des intercesseurs entre soi-même et Allah pour notre adoration ou pour nos du'as. Comme certains parmi les musulmans qui vont aux tombes, de ceux qu'ils appellent des saints ou des awliya, et qu'ils les prient, ils prient à ces personnes-là en dehors d'Allah, ou ils leur demandent la guérison, ou la baraka, ou d'autres choses. Et ça rentre dans des exemples de shirk. Le troisième catégorie, parmi les choses qui annulent l'islam, c'est le fait de refuser de considérer ceux qui sont non-croyants comme étant des non-croyants. C'est-à-dire que les juifs et les chrétiens, ou les communistes, ou les athées, ou les laïcs, ou autres. Toi, tu dis, non, ce sont des croyants, ou leur religion, elle est bonne. Ça, lorsque tu fais ça, tu contredis ce que Allah a dit. Alors ça, c'est considéré comme une forme de mécréance aussi. Et un annulatif parmi les annulatifs de l'islam. Parmi les annulatifs, il y a le quatrième, le fait de penser ou de croire que il y a une guidance ou un jugement qui est meilleur que celui du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Si tu crois qu'il y a un jugement qui est meilleur que le jugement d'Allah et de son messager, ça fait partie des annulatifs de l'islam. Et les ulama, ils ont classé ça en différentes catégories. Ils ont dit celui qui croit que le jugement d'autre que Allah est meilleur que le jugement d'Allah et de son messager, celui-là, il est kafir. Parce qu'il met la parole des hommes au-dessus de la parole d'Allah. Et celui qui dit, non, il n'est pas meilleur, mais il est égal au jugement d'Allah. C'est-à-dire, le jugement des hommes et le jugement d'Allah, c'est égalité. Tu peux prendre lui ou l'autre. Ça aussi, c'est celui-là qui croit ça, il est kafir aussi. Parce qu'il a mis la parole des hommes à égalité avec la parole d'Allah dans son cœur. Et ça, c'est kufr. Et celui qui dit, non, la parole d'Allah est au-dessus. Et la parole du messager, sallallahu alayhi wa sallam, est au-dessus de tout. Sauf que, on a le droit de juger par les lois qu'on veut. Et tu peux choisir l'islam, le jugement de l'islam ou le jugement de l'autre. Hein, ou la loi d'un tel ou d'un tel. Ça aussi, ça rentre dans le kufr, parce que ça implique de rendre licite et de permettre ce qu'Allah a interdit. Et de rendre licite ce qui est haram, c'est du kufr. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a mentionné justement dans le Coran. Yani, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Ils ont pris, en parlant des juifs et des chrétiens, leur rabbin, et leurs moines et leurs prêtres comme des seigneurs en dehors d'Allah. Et un des compagnons qui était converti à l'islam, il a dit, oh messager d'Allah, on ne leur faisait pas des prières. Il a dit, non, mais est-ce que ils ne rendaient pas haram ce qui est halal et vous le rendiez haram? Et est-ce qu'ils ne rendaient pas halal ce qui est haram et vous le rendiez halal? Il a dit oui. Il a dit, c'est ainsi que vous les adoriez, en les suivant dans ce qu'ils font qui contredit la charia d'Allah, et en croyant qu'ils ont le droit de rendre haram ce qui est halal ou de rendre halal ce qui est haram. Ça, en soi, c'est une forme de kufr. Parce que le seul qui a le droit de légiférer, c'est Allah. Et également son messager, puisque c'est celui qui transmet sa parole. Et si tu crois que quelqu'un d'autre que Allah a le droit de légiférer, ou de rendre légal ou illégal, licite ou illicite, eh bien là, déjà ça c'est une forme de mécréance, une forme de kufr qui fait sortir de l'islam. Et c'est pourquoi les ulama, ils ont dit, ceux qui croient à la démocratie et qui croient que on a le droit de faire des parlements dans lesquels les gens se mettent ensemble pour voter des lois, rendre licite des choses, rendre interdit des choses, malgré que c'est contraire, ce qu'ils votent est contraire à ce que Allah a légiféré, eh bien ça rentre aussi dans le kufr. C'est pour ça que ce système, il est en contradiction avec les fondements même de l'islam et avec le tawhid. Et dans certains pays maintenant, ils veulent même interdire à un musulman de dire ou de croire que la loi d'Allah est au-dessus de toute autre loi. Alors que ça fait partie des fondements même de la foi et des conditions de la foi pour le musulman. C'est pourquoi il faut vraiment rester ferme à notre époque et s'accrocher à nos principes. Parce que eux, ils essaient de faire croire aux gens que ceux parmi les musulmans qui ont cette croyance-là, ce sont des radicaux, des extrémistes, des islamistes. Et ils les appellent par toutes sortes de qualificatifs. Alors qu'en réalité, c'est la croyance que Allah nous a ordonnée. C'est la croyance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée. Et c'est la croyance qu'avaient tous les sahabas. Et tous les tabi'in et les tabi'in tabi'in. Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était un intégriste? Est-ce que les sahabas c'était des intégristes? Est-ce que les sahabas c'était des islamistes? Est-ce que les Sahaba, c'était des radicaux? Si eux, vous dites qu'ils sont des radicaux, des islamistes, des intégristes, alors nous, on doit les suivre. Que vous soyez d'accord ou non. Peu importe le nom que vous utilisez pour essayer de nous éloigner du droit chemin. Il ne faut pas se laisser tromper par les appellations et se laisser tromper par les mots et les jeux de mots. Donc ça fait partie des nawaqid. Je ne veux pas m'attarder trop longtemps parce que le sujet, bien entendu, il nécessite beaucoup plus d'explications. Mais pour résumer, parmi les formes de nawaqid, il y a la sorcellerie. Il y a le fait d'aider les mushrikines contre les musulmans à cause du fait que tu es d'accord avec leurs croyances. Donc tu opposes les musulmans et tu t'allies avec eux contre les musulmans parce que tu es satisfait de leurs idées ou de leurs mécréances. Ça, c'est une forme d'annulation de l'islam. Ou celui qui croit que certaines personnes ont le droit de sortir des règles de la charia. Comme on trouve ça chez certains soufis qui pensent que parce qu'ils ont atteint un certain degré, ils n'ont plus besoin de prier ou de jeûner ou de faire les choses obligatoires de la religion. Et parmi les nawaqid également, le fait de se détourner complètement de l'islam et complètement de la religion et de ne pas l'apprendre et de ne pas le pratiquer et de ne pas s'intéresser du tout à la religion musulmane. Donc ça, c'est une forme d'annulatif de l'islam également. Et le but de mentionner ces nawaqid, comme je le dis, c'est pas de déclarer un tel ou un tel, ou de dire un tel ou un tel, il est pas musulman, ou un tel, il a pas fait ça. Plutôt, c'est de l'apprendre pour se l'appliquer à soi-même. Et si jamais quelqu'un d'entre nous tombe dans un de ces annulatifs, il a le devoir de se repentir. Et de revenir à l'islam le plus vite possible. Et de corriger cette erreur qu'il a eue dans la croyance. Pour revenir sur le chemin d'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين. ودمر أعداء الدين. وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم.